je t'ai dit un sort pour céder mon corps à tort. Je t'ai, me voilà dehors. J'ai quitté ton port, amour. Mais toi t'as pas le temps. Quand tes cheveux dansent dans le vent, j'ai le cœur qui cogne, tu entends. Tu m'as ensorcelé, je ne sais pas, dis-moi c'est comment. Tes yeux m'entraînent dans un jugement, et moi j'ai trop de sentiments. Tu m'as ensorcelé. Tu t'amuses avec moi, surtout ne t'arrête pas. De l'or au bout des doigts, la magicienne. Si tu veux de moi, ici ou bien là-bas, je vivrai dans tes bras. La magicienne, regarde pas. Magal et moi, abracadabra. Regarde pas. Magal et moi, abracadabra. Volé, t'as volé mes nuits. Je t'ai donné ma vie à la vie. Volé, tu as volé la pluie, la mise dans mon lit. Amour. Mais toi t'as pas le temps. Quand tes cheveux dansent dans le vent, j'ai le cœur qui cogne, tu l'entends. Tu m'as ensorcelé, je ne sais pas, dis-moi c'est comment. Tes yeux m'entraînent dans un jugement, et moi j'ai trop de sentiments. Tu m'as ensorcelé. Tu t'amuses avec moi. Si tu veux de moi, ici ou bien là-bas.